troisième temps de notre série consacrée au 19e siècle. Aujourd'hui, archives sur les guerres au loin de l'Europe, donc au 19e siècle. L'an dernier, un des coordonnateurs de l'ouvrage collectif sur l'histoire du monde au XIXe siècle, Sylvain Venner, nous racontait l'aventure militaire de la conquête française en Indochine, en particulier sous la plume de Pierre Loti, sous le titre de « La guerre au loin ». C'est ce titre que nous avons choisi pour interroger trois historiennes et trois historiens spécialistes de guerre en Amérique latine ou encore dans la Grèce des années 1820, encore sous la coupe de l'Empire ottoman. Quel rôle jouèrent les guerres révolutionnaires et napoléoniennes en Europe, dans les autres parties du monde? Comment et pourquoi les volontaires si nombreux quittèrent l'Europe justement pour aller faire la guerre au loin? Voilà quelques questions que nous poserons avec Anaïs Quin et grâce à des textes qui seront lus pour nous par Daniel Koenigsberg à nos trois invités qui sont tous trois auteurs dans cette histoire du monde au 19e siècle chez Fayard. Jeanne Moisan, elle est maîtresse de conférence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est auteure d'une thèse sur les scènes capitales, Madrid, Barcelone et le monde théâtral qui a été publiée aux éditions de la Casa de Velázquez. Clément Thibault, il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Il vient de publier chez Perséide Libérer le Nouveau Monde, et Hervé Mazurel, il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne et il est auteur de Vertige de la guerre aux éditions des Belles Lettres en 2013. Cette vie mesquine, cette vie étroite, cette vie sans poésie était pour nous un insupportable fardeau. Nous rêvions de quelque chose de mieux, quelque chose de grand qui fût à notre hauteur. Nous n'avions plus les joies du guerrier, nous n'avions plus de croisades à faire. Le temps était passé des expériences napoléoniennes, nous n'avions ni solennité, ni temple, ni tournoi, ni chant, ni fête. La vie était terne et monotone, et Dieu avait mis dans le cœur de beaucoup d'hommes une énergie qui ne pouvait se ployer à cette contrainte. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Jeanne Moisan. Bonjour. Bonjour à vous Clément Thibault. Bonjour. Et bonjour à vous Hervé Mazurel. Bonjour. C'est vous qui avez choisi ce premier texte que nous avons entendre dans la voix de Daniel Koenigsberg. Il est signé Gustave Destal et pourquoi est-il important pour le propos que nous allons tenir pendant toute cette heure? Parce qu'en fait, il trahit l'état d'esprit d'une génération, la génération romantique, hein, qui était dans un rapport de frustration à cette époque, d'après 1815. Il y a une espèce de ralentissement du pouls du temps en 1815. Entre 1789 et 1815, il y avait eu tellement d'événements. Hein, c'était une période si agitée, si intense. Et la génération romantique, en 1815, ne se satisfait pas du calme, de la monotonie, finalement, des jours de paix. Et il y a toute une partie de cette génération qui rêve de guerres lointaines, d'aventures, pour essayer de tutoyer aussi l'héroïsme paternel à ces figures de pères chamarrés d'or, et voilà, qui ont connu la guerre, qui sont de vrais héros. Ils cherchent des occasions de combattre. Oui, parce que le congrès de Vienne est passé par là, 1815, et théoriquement, ce congrès de Vienne va assurer, ou doit assurer, une sorte de paix en Europe pour une longue durée. Donc ces guerres ne peuvent se faire que loin de l'espace qui a été protégé par les congressistes de Vienne, c'est cela? Absolument. Voilà. Ils cherchent vraiment des lieux pour combattre, pour aussi passer le rite de passage de l'épreuve du feu, parce que finalement, c'est devenu le rite viril par excellence. Voilà. Pour appartenir au monde des hommes vraiment hommes, il faut avoir fait la guerre, avoir connu le feu, d'où la nécessité d'un départ. Je pense par exemple à la figure d'un Achille de Saint-Arnaud qui s'était engagé dans l'armée de Louis XVIII et puis qui s'ennuie dans sa vie de caserne et qui décide de rompre avec l'armée de Louis XVIII et de s'engager en Grèce dans la guerre d'indépendance grecque pour justement avoir une première connaissance de la guerre, de la vraie guerre. Voilà. Anaïs Quin. Et devenir un homme. Et devenir un homme, oui, parce qu'évidemment, c'est toute cette période très intense de 23 années de guerre, 1792-1815, a installé au cœur de la masculinité cette nécessité du combat, d'avoir risqué sa vie, d'avoir affronté le péril mortel pour être véritablement un homme. Clément Thibault, ce qui est très étonnant en vous lisant tous les trois et en lisant d'autres auteurs qui ont travaillé sur ces questions des guerres du XIXe siècle, c'est de voir cette mobilité et en même temps cette mobilisation de personnages qu'on n'imagine pas sur des terrains guerriers ou militaires extrêmement lointains, que viennent faire des Polonais, des Allemands, des Français, en Amérique latine par exemple, dans les armées de Bolivar. Alors bien sûr, il y a cet appel de l'aventure, de l'exotisme. L'Amérique latine apparaît pour beaucoup une sorte d'Eldorado. On va pouvoir réaliser ce qu'on n'a pas pu faire en Europe. Il y a cet attrait de l'argent qui apparaît souvent dans les sources aussi, hein, parmi les sources les plus critiques. Mais il faut se souvenir aussi... Des mercenaires, on peut le dire aussi. Oui, il y a des mercenaires, hein, tout simplement. Je me souviens d'une source d'un capitaine anglais qui disait que lorsque Bolivar criait « Vive la patrie », les mercenaires criaient « Vive l'argent ». Donc il ne faut pas oublier que c'est aussi une période propice de désordre, propice aux petits malins, aux gens qui veulent faire des affaires. Mais il y a aussi cette affaire de l'exil politique, hein, qui est extrêmement important. C'est un temps de revirement politique, de persécution, et puis c'est un temps aussi propice à la fabrication de réfugiés. Il y a énormément de réfugiés, aussi bien en Europe qu'en Amérique et dans l'espace entier, hein, avec l'indépendance d'Haïti. Donc ça produit les changements de souveraineté, par exemple dans les îles des Antilles, produisent des réfugiés qui vont ensuite aller s'engager pour survivre dans des combats lointains. Anaïs Kien. Et puis, Jeanne Moisan, on voit peut-être apparaître aussi des figures, des professionnels de cet exil engagé qui voyagent de ville européenne en ville outre-Atlantique. Vous décrivez un couloir très évident entre le Midi Rouge français et la Catalogne espagnole. Et on voit toute une galerie de personnages comme ça qui se déplacent littéralement au gré des soulèvements populaires, des soulèvements républicains en l'occurrence, pour cet article que vous avez signé qui s'intitule « Les exilés de la République universelle français et espagnol en révolution ». Et donc ces figures deviennent d'une certaine façon, engagent leur vie entière dans cette quasi-professionnalisation de l'insurrection. Oui, effectivement. En fait, on peut voir qu'il y a des changements au cours du second 19e siècle, mais aussi une continuité avec ce qui vient d'être dit, notamment dans les années 1860, le fait que la guerre de sécession aux États-Unis, l'unité italienne réanime des foyers de solidarité internationale. Et on le voit à nouveau aussi avec la guerre franco-prussienne, le fait que énormément d'étrangers s'engagent dans la cause de la République française contre la Prusse. Et en fait, c'est un peu ce foyer-là que je vois se continuer ensuite dans les révolutions espagnoles et dans les guerres cubaines, les guerres d'indépendance cubaines, qui appellent là aussi volontaires d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, des Irlandais comme ce reporter dont on parlera. Donc effectivement, on voit se continuer cette onde à la fois d'exil et de guerre transnationale. Alors si on revient, puisque vous êtes plutôt spécialiste de la fin du 19e siècle, Jeanne Moisan, à ce début du 19e siècle sur lesquels ont travaillé Hervé Mazurel et Clément Thibault, si on revient à ce début 19e siècle, il faut dire, Clément Thibault, que les guerres napoléoniennes, donc des guerres européennes en l'occurrence, ne sont pas pour rien dans ce que nous allons raconter ensuite, parce que d'abord elle mobilise des contingents extrêmement importants d'un côté et de l'autre de soldats, et qu'il n'y a pas que le colonel Chabert qui doit revenir à la maison ensuite, il y a tous ceux qui doivent se poser la question de savoir ce qu'on va faire après la paix, après la défaite de Napoléon face aux autres puissances européennes, et cela, ça a des conséquences, y compris pendant le pouvoir napoléonien, par exemple très loin du côté de l'Amérique latine, Clément Thibault. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a eu un certain nombre de proscriptions, d'exils qui ont produit l'éloignement d'un certain nombre de personnages. Par exemple, Manuel Servier, qui est un Français qui est exilé par qui doit partir en tout cas de la France impériale et qui devient le chef des armées de Nouvelle-Grenade, qui va devenir ensuite la Colombie. Il y a ensuite, après 1814-1815, des mobilisations et un certain nombre de personnages. Et aussi, il y a l'exil de la Seconde Restauration, qui est très important. qui produit une masse de soldats, de gens qui sont extrêmement aguerris, qui sont donc extrêmement intéressants pour les patriotes républicains d'Amérique latine, et qui vont aller s'engager au loin. Alors, il y a d'abord un événement fondateur, c'est la descente des armées napoléoniennes dans l'Espagne et en Espagne, et puis les conflits qui sont issus justement de cette arrivée des armées napoléoniennes là-bas. Et cela, ça a des conséquences très loin en Amérique latine. On va lire un texte de Camilo Torres, donc de 1809. La descente des armées napoléoniennes, c'est 1807. Qui est ce Camilo Torres et pourquoi ce texte est important pour notre propos? Alors, Camilo Torres est un membre du conseil municipal de Bogota. C'est un membre de l'élite colombienne de cette époque-là. Et il va écrire ce texte dans un contexte particulier qui est celui de l'invasion de l'Espagne par ses troupes napoléoniennes, à un moment où l'Espagne, qui résiste à cette invasion, doit reconstituer un gouvernement. Et ce gouvernement de résistance, la grande question est de savoir s'il incorpore aussi des représentants de l'Amérique espagnole ou pas. Et là, il y a tout un imbroglio assez complexe, mais la junte centrale qui se constitue à Madrid et qui ensuite se transporte à Séville choisit de représenter l'Amérique espagnole. Et toute la question est de savoir comment sera représentée l'Amérique espagnole par dans qui ce gouvernement par et quel par type qui, par quel type de voilà de députés. Voilà, le texte de Camilo Torres, donc de 1809, élu par Daniel Königsberg. Les Amériques, seigneurs, ne sont pas composées d'étrangers à la nation espagnole. Nous sommes les fils, nous sommes les descendants de ceux qui ont répandu leur sang pour donner ces nouveaux domaines à la couronne d'Espagne, de ceux qui ont repoussé ses limites et lui ont donné, dans la balance politique de l'Europe, une représentation qu'elle ne pouvait avoir à elle seule. Les naturels conquis et soumis aujourd'hui au pouvoir espagnol sont peu nombreux, ou ne sont rien en comparaison des fils des Européens qui peuplent aujourd'hui ces riches possessions. La continuelle émigration d'Espagne durant 3 siècles écoulés depuis la découverte de l'Amérique. L'attribution de tous ces offices et emplois des Espagnols européens qui sont venus s'y établir successivement et qui y ont laissé leurs fils et leurs descendants. Les avantages du commerce et les riches dons qu'offre ici la nature ont été l'origine et la source perpétuelle de notre population. Aussi, ne faut-il pas nous tromper sur ce point. Nous sommes aussi espagnols que les descendants de Don Pelage, et c'est pourquoi nous sommes aussi dignes des distinctions, privilèges et prérogatives du reste de la population que ceux qui, sortis des montagnes, expulsèrent les Maures et peuplèrent par la suite la péninsule. Avec différence, s'il en est une, que nos pères, comme on l'a dit, au milieu d'indicibles peines et labeurs, découvrirent, conquirent, et peupler ce nouveau monde pour l'Espagne. Voilà le texte de Camilo Torres, donc, qui expose au nom du Cabildo de Santa Fe de Bogota les griefs des Américains en 1809. Anaïs Quien. Oui, on voit bien que cette onde de choc provoquée par les armées napoléoniennes, finalement, touche à des endroits où des fissures dans la stabilité des régimes étaient déjà là, parce que cette explosion arrive très vite. On entend bien que ce que dit Camilo Torres dans ce texte, ne vient pas de surgir dans la tête des latino-américains, mais que ce demande d'égalité des droits, de reconnaissance de la part de la métropole, agite en tout cas cette partie de la population latino-américaine depuis un certain temps, et qu'on voit là l'occasion de revendiquer des choses pour soi. Clément Thibault. Alors là, je pense qu'il faut revenir aussi à l'époque précédente, assez brièvement. Il y a plusieurs contextes. Il y a un contexte qui est un contexte des révolutions atlantiques, à savoir que la revendication de Camilo Torres consiste à dire que finalement, les droits des Espagnols d'Europe sont les mêmes que les droits des Espagnols américains. Les droits des Blancs d'Europe sont les mêmes que les droits des Blancs américains. Après, il y a toute la question des Noirs et des Indiens qui va se poser, évidemment. Et ce problème de l'égalité, justement, de droits entre la métropole et les colonies s'est passé de la même façon pendant la Révolution américaine, et puis rejoue pendant les événements de Saint-Domingue. C'est la Boston Tea Party, oui. Donc pendant la guerre d'indépendance Absolument. Américaine, qui déclenche la guerre d'indépendance américaine, et aussi évidemment la révolte d'Haïti qui a des influences dans cette sphère justement latino-américaine. Absolument, c'est-à-dire que Camilo Torres n'ignorait pas du tout les événements de la Révolution américaine, Et il faut savoir aussi qu'à Bogota, les événements de la Révolution française, à travers la médiation antillaise, notamment de Saint-Domingue, mais aussi de la Guadeloupe et de la Martinique, étaient très bien connus. Les textes écrits en France étaient traduits et circulaient très largement. Et donc, on se trouve dans un contexte qui est à la fois révolutionnaire, au sens large, mais aussi un contexte de recomposition impériale, où justement les Blancs d'outre-mer essaient de renégocier un nouveau pacte impérial avec la métropole. Anaïs Kien. Oui, on est loin, Clément Thibault, malgré tout, d'une demande d'équité des droits pour tous. Il s'agit là, effectivement, de ces colons blancs qui tentent de se hisser à la hauteur, tout simplement, de l'élite métropolitaine. Donc vous voyez, effectivement, il y a une identification généalogique à l'Espagne à travers Don Pélage, hein, cette figure de l'ancêtre commun qui est très fort, qu'on trouve aussi dans la Révolution américaine au début, et puis une revendication totale d'égalité, de représentation qui sera accordée par la Constitution de Cadix en 1812, et qui explique qu'une bonne partie de l'Amérique espagnole sera loyaliste en réalité, et que ces guerres d'indépendance seront des guerres civiles. Mais effectivement, toute la question va être de savoir si les Indiens sont aussi les descendants de Don Pélage, ils ont les mêmes droits, et si les Noirs, les esclaves aussi, sont ses descendants, et donc jouissent des mêmes droits. Ce qui explique, Clément Thibault, que dans votre travail, dans la lignée de celui de François-Xavier Guérin, vous insistez beaucoup sur l'idée qu'il y a des guerres dans ces guerres latino-américaines, qu'il y a des guerres multiples, il n'y a pas simplement un front contre l'ancien colonisateur qu'on voudrait chasser, mais il y a des fronts internes à l'intérieur de ces espaces latino-américains qui sont nombreux et qui ne cessent d'ailleurs d'être rejoués tout au long des années 1810, 1820, 1830. Déclaration de guerre à mort en 1813, c'est Simon Bolivar, brigadier de l'Union, général en chef de l'armée du Nord, libérateur du Venezuela, qui s'adresse à ses concitoyens. Vénézuéliens, une armée de soldats frères envoyée par le souverain congrès de la Nouvelle-Grenade est venue nous libérer. Et la voici parmi vous, après qu'elle a chassé les oppresseurs des provinces de Mejía et de Trujillo. Nous sommes envoyés pour anéantir les Espagnols, protéger les Américains et rétablir les gouvernements républicains qui formaient la Confédération du Venezuela. Touchés de vos infortunes, nous n'avons pu voir avec indifférence les épreuves que vous faisiez subir les barbares espagnols qui vous ont ruiné par la rapine et ont répandu la mort parmi vous, qui ont violé les droits sacrés des peuples et enfreint les pactes et les traités les plus solennels, qui, enfin, ont commis tous les crimes plongeant la République du Venezuela dans la plus effroyable désolation. Ainsi, la justice appelle la vengeance et la nécessité nous oblige à la brandir. Que disparaissent à jamais du sol colombien les monstres qui l'infestent et l'ont couvert de sang, que leur châtiment soit égal à l'énormité de leur perfidie, afin que nous lavions par lui la souillure de notre ignominie et que nous montrions aux nations de l'univers qu'on n'offense pas impunément les fils de l'Amérique. Tout Espagnol qui ne conspirera pas contre la tyrannie afin de défendre la juste cause par les moyens les plus actifs et efficaces sera tenu pour ennemi et comme traître à la patrie, condamné sans recours possible à être passé par les armes. Inversement, une grâce générale et totale sera accordée à ceux qui rejoindront les rangs de notre armée avec ou sans leurs armes, à ceux qui apporteront leur secours aux bons citoyens qui s'emploient à secouer le joug de la tyrannie. Nous maintiendrons dans leurs fonctions les militaires et les magistrats civils qui proclameront le gouvernement du Venezuela et s'uniront à nous. En un mot, les Espagnols qui rendront de signalés services à l'État seront considérés et traités comme des Américains. Quartier général de Trujillo, 15 juin 1813, l'an 3 de l'indépendance. Alors Clément Thibault, qu'est-ce qui s'invente dans ces années 1809-1813, puisque ce texte date de 1813, en matière de guerre et de polyurcétique dans cet espace latino-américain? Et en quoi c'est différent de ce que l'on peut connaître en Europe à la même époque, puisque nous sommes, rappelons-le, à une époque où il y a encore les guerres napoléoniennes? Qu'est-ce qui s'invente là? Alors, ce qu'on entend dans le texte de Bolivar, c'est la rupture républicaine, en fait. Oui, parce qu'il y a à peine 4 ans entre les deux textes qu'on vient d'écouter, on est passé à une brutalisation dans l'adresse aux Espagnols qui est incroyable. Et on passe de l'amour à la haine, hein, puisque Camilo Torres déclare son amour à la mère patrie et Bolivar sa haine aux Espagnols et développe ce thème de l'Amérique qui va devenir l'Amérique républicaine face à une Europe monarchique et conservatrice et un thème qui va traverser tout le 19e siècle latino-américain. Mais dans cette guerre, ce qui va s'inventer, c'est on va passer, si vous voulez, d'une guerre un petit peu traditionnelle d'ancien régime, de milices, avec des enjeux très limités, de conflits entre cités. Parce qu'il faut dire que le continent latino-américain est relativement désarmé, c'est-à-dire que l'Empire espagnol a armé les côtes, par exemple, mais que les territoires qui sont à l'intérieur du continent sont relativement désarmés, expliquez-vous, Clément Thibault, et qu'il va y avoir naissance aussi d'une guérilla, d'une guerre un peu nouvelle qui se manifeste à ce moment-là. Oui, c'est un gouvernement largement transactionnel, hein, que le gouvernement espagnol là-bas, donc qui est largement désarmé. Mais ce qui se passe entre 1810, on va dire, et 1813, c'est que la révolution va produire des formes de résistance, et notamment des résistances de la part des communautés indigènes, des communautés indiennes, indigènes, on dit comme ça en Amérique, de la part de certains esclaves et de la part de certains libres de couleur qui vont se soulever contre le régime républicain qui est nouveau, qui est considéré comme impie, liberticide, robespierriste souvent. Il y a tous ces éléments de propagande qui apparaissent. Et ce qui met la République en grande difficulté. Et c'est là que Bolivar va inventer cette fiction, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas réellement d'une guerre civile, mais d'une guerre entre les Américains et les Espagnols, alors que les armées qu'il a à combattre, ce sont des armées composées très largement d'Américains, de toutes les couleurs, si vous voulez. Ce qui explique effectivement que votre thèse, la façon dont vous la présentez, Clément Thibault, intéresse beaucoup de nations sud-américaines aujourd'hui, même si elles ont été fondées sur cette idée nationaliste, pourrait-on dire qu'il y avait des nations avant les nations qui ont existé ensuite. Vous dites, tout compte fait, ça n'est pas vrai, c'est une fiction qu'on a inventée plus tard, que Bolivar et ses compagnons ont inventée, mais qui, d'une certaine façon, fonctionne, puisque chacune de ces nations pense qu'elle existait avant même d'être née, et que c'est la raison pour laquelle elle est devenue une nation, au bout du compte, dans ces années 1820-1830. Absolument. C'est une idée qui a été avancée aussi par François-Xavier Guerra, c'est-à-dire que les nations hispaniques, y compris l'Espagne, ne préexistait pas à l'Empire. C'est l'effondrement de l'Empire espagnol qui fait naître et surgir ces nations hispaniques et hispano-américaines, et notamment dans l'espace qui nous occupe, à travers une guerre révolutionnaire particulièrement sanglante. Anaïs Kien. Et comment est reçu ce premier républicanisme latino-américain par l'Europe et par les Nord-Américains? Alors, il est reçu avec une extrême réserve, en fait, notamment par les Nord-Américains, qui sont intéressés, hein, qui envoient des consuls, qui envoient des marchands, bien évidemment, qui envisagent... Enfin, il y a des discussions au Congrès pour la reconnaissance, un petit peu plus tardivement, mais il y a une sorte de consensus un petit peu raciste, malgré tout, qui consiste à dire que les Ibériques, et les Hispano-Américains en particulier, sont des incapaces libertatis. Ils sont incapables d'accéder à un régime de liberté. Hein. Et donc, la liberté républicaine, qui est la plus exigeante, leur échappera toujours. Et du côté de l'Europe, il y a un certain intérêt, notamment de personnages comme Benjamin Constant, qui suivent, et d'autres qui suivent les événements en Amérique hispanique. Et Bolivar devient... Parce que c'est facile de suivre ces événements, justement. On est étonné de voir à quel point on lit de part et d'autre de l'Atlantique sur ces événements. Il y a une circulation vraiment intense d'informations et une avidité justement pour cette circulation à travers toujours la médiation antillaise. Hein, il faut voir que notamment les relations avec la France se passent à travers la station de la Martinique aux Antilles. Et donc il y a des informations qui filtrent. Et puis bien évidemment, les gouvernements républicains vont envoyer des émissaires diplomatiques pour essayer de se faire reconnaître. Et c'est à travers ça que ces guerres sont connus. Il y a beaucoup de publications, à Paris notamment. Vous nous avez dit tout à l'heure que la constitution libérale de Cadiz, donc en 1812, qui a été adoptée dans la guerre de résistance contre les Français, donc et l'arrivée des armées napoléoniennes dans la péninsule ibérique, a eu des répercussions dans le monde entier. On va tout de suite en voir un exemple, avec l'exemple grec qui suit tout de suite après la chute de Napoléon en Europe, donc qui va intervenir à ce moment-là, la proclamation à la jeunesse allemande affichée sur les portes à Hambourg en août 1821. Le combat pour la religion, la vie et la liberté nous appellent aux armes. L'humanité et le devoir nous invitent à rejoindre au plus vite nos frères, les nobles grecs, à risquer notre sang, risquer nos vies pour cette cause sacrée. Le règne des musulmans en Europe touche à sa fin. Le plus beau pays d'Europe doit être libéré, libéré des monstres. Montrons notre force au combat. Saisis tes fusils, jeunesse allemande, et formons une légion philhellène germanique pour porter immédiatement secours à nos frères. Les officiers d'expérience sont déjà prêts à nous guider. Dieu sera de notre côté. Car cette cause est sacrée, la cause de l'humanité. C'est un combat pour la religion, la vie et la liberté, un combat contre les monstres. Bientôt victorieux et couvert de gloire, remercié par nos frères grecs et par l'ensemble des chrétiens pour avoir notamment libéré des millions de frères des chaînes de l'esclavage. Nous reverrons heureux le sol de notre mère patrie. Ceux qui sont intéressés doivent se présenter au numéro 62 dans la rue Becker, où ils trouveront maints autres détails. Les déserteurs ne sont pas acceptés. Une société collectera les contributions pour supporter cette mission sacrée. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une série d'émissions consacrées au XIXe siècle à l'occasion de la sortie de l'ouvrage collectif Histoire du monde au XIXe siècle chez Fayard. Et nous sommes aujourd'hui dans une émission qui est consacrée, elle, aux guerres lointaines au XIXe siècle. Et c'est loin la Grèce pour les Européens ? À l'époque, ça l'est. Hervé Mazurel. À l'époque, ça l'est parce qu'on est avant la grande révolution des transports. Et donc en 1820, pendant la décennie de 1820, la guerre des Grecs et des Turcs paraît une affaire assez lointaine. Hein. En 1770, il y avait une première révolution grecque. Les Européens s'en étaient totalement désintéressés. Mais elle est à la fois lointaine et proche parce qu'évidemment, la Grèce, ça reste le berceau de l'Occident. Et donc, c'est le ressort du philhellénisme, il est là. Mais il n'empêche que la Grèce est assez peu connue hein, parce que les voyageurs ne se tournent, et notamment les voyageurs du canton, ne se tournent vers la Grèce que depuis à peu près 10 ans, depuis que Byron y a remis les pieds en 1809-1810. Donc cette Grèce ottomane, elle est peu connue. Et puis par ailleurs, beaucoup de volontaires vont venir à pied. Hein. Et d'abord c'est à pied depuis l'Allemagne, depuis la Russie. Et donc c'est un chemin très long pour aller s'embarquer à Marseille. Et puis c'est une marine, non pas à vapeur, mais à voile. Donc il faut du temps pour rejoindre la Grèce quand on est volontaire, et notamment volontaire allemand. Anaïs Quin. Et des volontaires, il va y en avoir beaucoup, Hervé Mazurel. Pour autant, on n'accepte pas tout le monde, hein. On voit bien que les déserteurs ne sont pas acceptés. On cherche malgré tout une respectabilisation de cet engagement, car pour la plupart des gouvernements ouest européens, cette guerre est illégale. Donc ces combattants, ces engagés volontaires qui partent, s'engagent dans un conflit qui n'est pas légal. Bien sûr. Alors l'impulsion du philhellénisme est née assez largement en Allemagne, et pas par hasard, parce que c'est la patrie de Winckelmann, le chantre du néoclassicisme. Et donc il y a beaucoup de volontaires allemands au départ qui s'en vont. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce texte, c'est que c'est un serment. Et c'est un geste typique de l'engagé volontaire que celui du serment. Et c'est un geste qui lui permet justement de se différencier du commun, hein, de l'existence commune, donc du conscrit qui subit la guerre, ou alors du mercenaire qui va chercher la guerre, mais pour des raisons essentiellement économiques. Là, il y a une logique du désintéressement. Et puis de faire sa première geste épique. Absolument. Hein, donc il y a vraiment l'idée de... Il y a une noblesse dans l'acte du volontariat, hein, il y a une espèce de pureté en quelque sorte dans ce geste-là. Beaucoup de mise en scène. Et beaucoup de mise en scène, voilà. Et évidemment, ça s'inscrit, cette histoire du serment du volontaire, ça s'inscrit dans une histoire longue, celle des volontaires de la guerre d'indépendance américaine, des volontaires de l'an 2, des volontaires de la guerre de libération allemande de 1813. Donc il y a aussi tout un héritage hein, qui pèse très lourd dans ces mots-là. Et en effet, ils se mettent au banc en quelque sorte de l'Europe de la Restauration, hein, parce qu'en effet, c'est une guerre jugée illégale. Hein, beaucoup de Français perdront leur citoyenneté du fait de s'être engagés auprès des Grecs. À cette époque-là, notamment le colonel Olivier Voutier qui sera démis de sa nationalité pour cette raison-là. Donc il faut un certain courage et à Marseille, ils seront surveillés au moment de s'embarquer. Ils sont très surveillés par la police de la Restauration. Mais aller faire la guerre au loin, et la Grèce, rappelons-le, c'est donc loin pour un Européen de l'Europe occidentale à ce moment-là, donc dans les années 1820-1830, c'est aussi se confronter à d'autres modes de guerre. On parlait tout à l'heure de ce qui naissait dans ces guerres d'Amérique latine qui étaient différents de ce qui avait pu naître, par exemple, dans les armées révolutionnaires ou les armées napoléoniennes. C'est le cas aussi, là, Hervé Mazurel. Complètement. Hein, les soldats européens qui arrivent en Grèce ont en tête les guerres napoléoniennes, ces soldats qui combattent cousus ensemble, en ordre serré, qui cherchent voilà, la bataille décisive d'infanterie. Et évidemment, les choses se passent très différemment sur place. Les Grecs sont héritiers d'une très ancienne tradition de guérilla montagnarde, hein, celle des cleptes. Les cleptes et les palicares. Absolument. Et donc, ne s'exposent jamais aux Turcs. Hein, ils combattent toujours derrière des murets, avec des embuscades, des raids, voilà, mais jamais à champ ouvert. Hein, et donc, les philhellènes, sur place, essayent d'amener les Grecs à combattre à leur manière. Et pour eux, en plus, c'est une manière de régénérer la Grèce moderne, parce qu'ils ils se pensent comme les héritiers des hoplites, de la révolution hoplitique. Mmh. Donc, voilà, il s'agit de ramener la Grèce ancienne dans l'esprit des guerriers grecs modernes. Voilà. Et mais ils ne sont pas du tout acceptés. Dans l'imaginaire de ces engagés volontaires de l'Europe occidentale qui partent en Grèce, la Grèce n'est pas si loin, puisqu'elle est le berceau de cette culture. Voilà. Il y a quand même un déversement de fantasmes sur les racines de l'Occident en Grèce qui vont les pousser aussi à aller défendre une civilisation qui serait la leur et qui, évidemment, une fois arrivés sur place... Les déçoit énormément. Ils sont partis. D'abord, tout ça prend naissance sur ce désœuvrement, cette frustration dont on parlait tout à l'heure. Cette envie d'avoir un combat à leur hauteur, comme disait Gustave Destal. Et du coup, ils vont idéaliser la cause des Grecs, la cause sacrée par excellence, parce qu'ils voilà, ils vont y projeter l'idée d'une reconquête. Il s'agit de reconquérir le berceau de l'Occident. Il s'agit de régénérer la Grèce moderne grâce... En toute modestie. De payer sa dette aux anciens, en quelque sorte aussi, par une mort éventuelle. Mais il y a encore d'autres choses. Il y a aussi une dimension de croisade. Certains partent avec une croix cousue sur leur casquette ou sur leurs vêtements, parce qu'il s'agit de chasser les infidèles de quatre siècles de domination ottomane en Grèce. Il y a aussi une dimension libérale, profondément libérale. Hein. Et voilà, la liberté, à l'époque, c'est pas un mot creux. Ça a une charge de sacralité très forte. Et donc, beaucoup de libéraux s'en vont en Grèce comme ils s'en vont en Amérique latine. Oui, mais quand on sait combien les guerres napoléoniennes ont été meurtrières, vous nous racontez, Hervé Mazurel, quand il y a des relèves et que des soldats reviennent de Grèce et qu'ils arrivent sur le port de Marseille, ils alertent leurs compatriotes ou ceux qu'ils croisent en leur disant « n'y allez pas, c'est pas ce que vous croyez d'une certaine façon ». Et ça, c'est assez extraordinaire, cette confrontation entre deux types de guerres qui d'un seul coup apparaît évidente par l'intermédiaire de la parole de ceux qui ont combattu d'un côté et de l'autre. Et c'est ce qui est très intéressant dans ces retours d'anciens philhellènes qui là, beaucoup reviennent totalement désillusionnés, amers, etc. Ils croisent les nouveaux partants à Marseille. Et ces nouveaux partants ne veulent pas les croire. On n'a pas dû leur donner la place qu'ils voulaient. Ils veulent continuer à croire à ce qu'ils ont besoin de croire. Ils veulent se perpétuer dans leur fantasme. Voilà, ils ont imaginé une guerre idéale et ils veulent partir coûte que coûte. Voilà. Anaïs Quin. Peut-être pour élargir un peu et sortir de Grèce, vous dites dans un de vos articles, Hervé Mazurel, que cette vitalité du goût de la guerre, du désir de guerre, recycle tous les proscrits du moment, mais joue un rôle... majeur, selon vous, dans cette colonisation du monde au XIXe siècle. C'est-à-dire que peut-être sans cette frustration qu'on entendait dans les mots de Gustave Destal en début d'émission, on n'aurait pas conquis ce monde-là. L'Europe occidentale n'aurait pas conquis ces surfaces-là et ces peuples-là dans cette ampleur-là. À mon sens, on n'a pas suffisamment fait le lien entre les processus de sortie des guerres napoléoniennes et la mise en place de la colonisation. Hein, et notamment, il y a un événement qui est un non-événement, mais l'éclipse des champs de bataille en Europe après 1815 génère un désir d'aventure, de guerre lointaine, précisément parce que c'est la période de mythe de guerre, de sacralisation de la guerre. C'est au cœur du modèle viril, hein, l'expérience de la guerre, le baptême du feu, et donc beaucoup de soldats se mettent à en chercher ailleurs. Et à la fin du siècle, qu'est-ce qu'on trouve? Ces affiches coloniales dans l'armée française, de l'armée anglaise, engagez-vous, vous verrez du pays. Hein, la guerre comme voyage, comme possibilité d'exploration de contrées lointaines, ça, c'est un topos, la guerre comme voyage, qui va aller jusqu'à la fin du siècle. Et que vous voyez naître, vous, dans ces années-là. La figure typique, c'est finalement au bout du siècle, c'est Laurence d'Arabie, ce mythe-là. Mais justement, ce que Georges Mosset avait bien montré, c'était l'hypothèse qui était au tout départ de mon livre, c'est que pour lui, les racines de ce topos de la guerre comme voyage, c'est le moment Byron, l'exotisme oriental de la guerre d'indépendance grecque et toute la mythification de l'expérience des philhellènes. Et puisque nous travaillons souvent dans cette émission sur ce qu'on appelle les circulations, les transferts culturels, etc., la constitution de Cadiz de 1812 aura une application dans la Grèce nouvellement transformée, à qui on ira mettre un roi bavarois, Othon Ier de Bavière, à sa tête, avec toute sa cour d'ailleurs, qui va transformer considérablement Athènes, justement selon le goût des philhellènes, puisque l'Athènes qu'ils trouvent ne correspond pas à leur goût antique, ils vont faire une Athènes au goût antique. Et en particulier, ils vont récupérer certaines des leçons de cette constitution de Cadix constituée en 1812 pour contrer les armées napoléoniennes. Absolument, c'est assez étrange ce qui est arrivé aux Grecs, parce que les Grecs ne combattaient pas la Grèce populaire. Hein, voulait quoi, au fond, le retour de la Grèce, de l'époque byzantine, et là, de Byzance, et donc fantasmer avant tout un territoire libéré et pour la religion orthodoxe, libéré des infidèles. Et puis il y a une autre Grèce, la Grèce de la diaspora, qui elle arrivait avec des modèles qui étaient des modèles libéraux et républicains, et notamment avec des projets de constitution comme la constitution de Cadix. Et donc il y a deux Grèces qui sont rentrées en conflit, et ça s'est réglé finalement par l'imposition de Bavarois, hein, des Bavarois d'Othon, hein, et finalement cette opposition-là de ces deux Grèces, elle se retrouve jusque dans l'histoire politique contemporaine, hein, actuelle. Hein. Il y a deux Grèces qui ne se sont jamais retrouvées, hein, et qui sont liées. D'ailleurs, il y a deux langues grecques, hein, une langue populaire, une langue qui a été imposée par les... La Katerevoussa, qui a été imposée par les philhellènes, et notamment par les Bavarois. Hein. Et donc c'est une césure, une disjonction qui persiste aujourd'hui encore dans l'histoire grecque moderne. Alors, on sait que le 19e siècle était un siècle riche en guerres. On passera sur la Crimée, Sébastopol et tout un tas d'autres guerres, évidemment liées à la conquête coloniale, pour nous retrouver du côté de Cuba à la fin du 19e siècle. Avec vous, Jeanne Moisan, un texte que vous nous présentez peut-être, qui est ce reporter irlandais qui se trouve à Cuba pendant la guerre de 10 ans et que va nous lire à l'instant même Daniel Königsberg. Qui est-il ? Donc James O'Kelly, c'est un reporter du New York Herald qui présente l'intérêt d'être irlandais et d'avoir d'abord été membre de l'association des Fenians, donc qui est une association pour l'indépendance de l'Irlande, et c'est un de ces volontaires, exilés, professionnels dont parlait Anaïs Quin tout à l'heure, puisqu'on le voit aussi s'engager dans la Légion étrangère en Algérie avant de rejoindre les États-Unis et de partir en tant que reporter du New York Herald dans la guerre cubaine, cubaine. Un tout petit point sur ces Irlandais, on les trouve partout chez vous. Ils sont chez vous aussi, oui, Hervé Mazurel, en Grèce. Très présents également. Et vous, ils sont aussi en Amérique latine. Ils sont extrêmement nombreux, oui. Parce qu'ils se considèrent quoi comme résistants à la colonisation britannique, c'est ça ? Alors, un certain nombre d'entre eux, effectivement, avaient trempé dans l'affaire de 1798, hein, le soulèvement républicain. Et donc, on les retrouve en Amérique du Sud. Mais d'autres, non. D'autres sont plutôt des militaires de carrière. Mm-hmm. Enfin, il n'y a pas de règles. Mais ils vont s'engager massivement, oui. Mm-hmm. Alors, on écoute ce témoignage de O'Kelly, reporter irlandais à Cuba, pendant la guerre des 10 ans, à la fin du 19e siècle. Daniel Königsberg. Une certaine expérience de la guerre m'avait préparé aux difficultés du passage à travers les avant-postes espagnols. Mais la nature particulière de la lutte à Cuba était si distincte de tout ce que j'avais connu que mes calculs se révélaient totalement faux. Je m'attendais à trouver les combattants sur des parcelles de terre peuplées, plus ou moins bien définies, et j'imaginais pouvoir atteindre avec certitude les avant-postes cubains en m'échappant à un endroit négligemment gardé de la ligne espagnole. Devenu familier de la région et de la disposition des troupes, je fus rapidement convaincu de mon erreur. En raison de la concentration forcée de la population rurale autour des forts, les lignes espagnoles occupaient tous les territoires cultivés, et elles étaient gardées avec tout le soin possible, malgré leur extension. Au-delà des avant-postes, tout était silencieux, mystérieux et inconnu. Des districts, anciennement peuplés, étaient devenus d'énormes déserts. Les deux parties rivalisaient en destruction implacable et sauvage, jusqu'à faire disparaître tout abri et toute nourriture pour l'homme. Personne n'était admis à passer les avant-postes, sauf le long de certaines lignes de communication en compagnie d'une garde armée. Dans les terres en conflit au-delà, tout homme trouvé était un ennemi soumis à une sévère loi militaire d'exécution immédiate. De puissantes colonnes espagnoles menaient des marches et des contre-marches dans ces régions désolées, incendiant la moindre misérable bicoque couverte de feuilles, se vengeant contre les blessés, les malades et les faibles empêchés de s'évader par leur infirmité, et chassant comme des limiers les soldats de la République cubaine mal armés et misérablement approvisionnés. Ces derniers, en infériorité numérique, étaient incapables pour la plupart de livrer combat à leurs poursuivants, faute de munitions et d'armes. Ils passaient constamment d'un point à un autre, à travers les régions sauvages et incultes de l'intérieur, de sorte qu'il était impossible de savoir avec certitude où trouver les forces cubaines. Le cœur des rapatriés, le retour des soldats blessés à Saragosse, tiré de la zarzuela Gigantes et Cabezudos, donc les géants et les grosses têtes de Manuel Fernández Caballero, créé en 1898 à Madrid pendant ces guerres justement de Cuba au théâtre de la zarzuela. Anaïs Quien. Alors peut-être pour aider les auditeurs à ne pas tomber dans la même confusion que James O'Kelly, il faut rappeler que cette guerre donc, de Cuba qui va durer grosso modo 30 ans avec des périodes plus ou moins pacifiées, va coûter la plus grande partie de son empire colonial à l'Espagne, en tout cas la plus importante, et va fonder pour trois pays, Cuba, l'Espagne et l'Amérique du Nord, un moment national, des moments nationaux plus ou moins heureux, plus ou moins qui nourriront plus ou moins la fierté de chacun. Mais ce qui est important dans cette histoire et qui poursuit le fil rouge de cette émission aujourd'hui, c'est de voir à quel point cette guerre atteint des niveaux de brutalité qui sont très liés aussi à l'engagement des opinions publiques internationales, en tout cas à l'échelle de ces empires-là, qui vont pousser finalement à continuer cette guerre, même lorsque les Espagnols la savent perdue. Oui, effectivement, il y a une brutalisation, c'est bien le mot qui convient, à cause de l'engagement des opinions publiques, mais à cause des enjeux aussi, tant économiques que politiques et sociaux pour l'Espagne, parce qu'il faut rappeler que Cuba c'était pas n'importe quelle colonie dans le monde du 19e siècle. En 1870, c'était la productrice de 40% du sucre de canne mondial. C'était une des colonies les plus riches du monde. Donc l'enjeu pour l'Espagne était vraiment énorme. Cette brutalisation, elle s'explique aussi par les formes de guerre, parce que les Espagnols pensent pouvoir mettre à bas relativement facilement l'insurrection cubaine au début de la première insurrection en 1868, mais en fait ils s'engagent dans le même genre de guerre de guérilla dont parlait tout à l'heure Hervé, et ils s'empêtrent dans cette guérilla pendant des décennies. Et vous expliquez dans l'article que vous avez écrit pour l'histoire du monde au 19e siècle sur ce thème qu'il y a d'abord cette opinion publique enflammée qui soutient justement peut-être des gouvernements qui seraient plus dans le doute et qui se disent peut-être qu'ils vont perdre cette guerre, le gouvernement espagnol en particulier, mais surtout que cette guerre est sous-tendue aussi par la question de la guerre des races, ce qui est peut-être un peu nouveau par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure, même si Clément Thibault a déjà évoqué la question de l'indianisme au milieu de ces guerres de libération bolivarienne du début du 19e siècle, mais il y a effectivement entre-temps l'invention des races, pourrait-on dire, la façon dont ces races se sont cristallisées à la fin du 19e siècle, dans toutes les anthropologies européennes en particulier, et ça participe de cette guerre de Cuba. Oui, effectivement. Alors, je pense qu'il faudrait faire une différence sur l'engagement des opinions publiques pendant la première guerre d'indépendance cubaine. Ce serait faux de dire que 1868-1878 que toute l'opinion espagnole est enflammée en faveur de la préserve, enfin de l'engagement militaire en Espagne. On est dans une période révolutionnaire en Espagne aussi, et il y a par exemple des républicains qui sont favorables à la concession d'énormément de droits politiques, voire de négociations beaucoup plus fortes avec les insurgés. Donc, il faut rappeler que c'est aussi le moment où les envoyés de la Première Internationale vont aussi chauffer à blanc les opinions publiques. Il y a l'anarchisme naissant dans cette Espagne, donc qui mène cette guerre aussi outre-mer. Oui, il y a même une étape républicaine, puisque la Première République espagnole est proclamée en 1873 et prévoit de donner une autonomie et une représentation politique pour Cuba, en pensant que d'emblée, ça annulerait même l'insurrection. Donc, ils ont pas le temps d'en arriver jusque-là. Mais c'est aussi parce qu'en fait, à Cuba, il y a un parti qu'on appelle le parti de défense de l'intégrité de la patrie, qui naît à ce moment-là comme une nouvelle force de la droite espagnole, qui va défendre une autre vision de cette guerre, et une guerre à outrance contre le gouvernement métropolitain. Donc, on n'est pas face à un bloc complet, unanime, en fait. Mais cette question du racisme ou de la naissance d'une guerre des races, sur ce point, c'est quand même important. Oui, ce moment oui. Alors ça, effectivement, l'Espagne va avoir tendance à raciser le conflit en présentant les insurgés comme un camp exclusivement peuplé de gens de couleur. De noirs barbares. Mais comme on le voit aussi dans l'extrait de O'Kelly, enfin ne serait-ce que dans le titre qu'il donne à son reportage, The Mambi Land, donc la terre des Mambi, on voit que cette vision est aussi récupérée par les Nord-Américains, alors qu'ils seraient davantage favorables aux insurgés. Anaïs Quin. Oui, d'ailleurs, dans votre contribution, Jeanne Moisan, à l'histoire du monde au XIXe siècle, vous dites quelque chose qui montre à quel point aussi la violence prend le pas sur les idéaux même qu'on pourrait trouver dans les causes de cette guerre cubaine, puisque vous dites que parmi les créoles, certains combattent de tous les côtés. Finalement, les changements de camp sont extrêmement fréquents. Donc la notion même de guerre patriotique devient très compliquée à cerner d'une certaine façon. Oui, parce que en fait, c'est aussi une guerre civile. Quelque part, on rejoint ce qui se passe au début du 19e siècle dans le reste de l'Amérique latine. La première guerre d'indépendance cubaine, de toute manière, n'a lieu que dans l'est de l'île. L'ouest reste loyal, notamment parce que c'est là que se trouvent les plus grandes plantations de sucre et que les planteurs sont favorables à rester dans le giron de l'Espagne. Il faut savoir que l'Espagne était un pouvoir qui garantissait la perpétuation de l'esclavagisme, même si on savait que l'abolition allait arriver. Il y avait quand même des compromis qui étaient possibles de manière plus facile avec l'Espagne qu'avec d'autres pouvoirs, et notamment avec l'Amérique du Nord qui venait d'abolir l'esclavage. Donc tout le monde n'était pas anti-espagnol parmi les créoles, loin de là. Et tout à l'heure, Anaïs Quin le mentionnait, il y a quand même un troisième acteur, ce qui change considérablement les choses qui va entrer en jeu. Ce sont justement ces États-Unis dont vous venez de parler, Jeanne Moisan. On se souvient évidemment de l'expédition de Teddy Roosevelt, qui deviendra plus tard président des États-Unis. Mais effectivement, l'arrivée des États-Unis change la donne, parce que c'est ce qui va faire basculer cet empire dans autre chose. Donc une plus petite Espagne, en l'occurrence, et aussi qui va donner à l'Amérique cette idée qu'elle peut sortir d'elle-même. Oui, effectivement. Donc, les États-Unis n'interviennent pas pendant la première guerre d'indépendance, alors que la question se pose énormément et que beaucoup de volontaires nord-américains s'engagent dans la guerre. Les Espagnols les appellent des flibustiers parce qu'ils rejoignent Cuba par bateau. Mais ils finissent par s'engager en 1898 et ils font basculer la guerre en quelques mois et provoquent la défaite des Espagnols. Anaïs Quin. Oui, alors pour le coup, c'est une question qui s'adresse à tous, mais on va peut-être commencer par vous, Hervé Mazurel. On vient de décrire ce 19e siècle très guerrier, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces combattants nomades qui sillonnent le monde dans tous les sens, participent à toutes les guerres, toutes les insurrections possibles et imaginables? Parfois même la question de la cause politique à défendre devient un petit peu floue. Il s'agit simplement de se recycler parce qu'on ne s'imagine pas vivre une autre vie que celle d'un combattant. Qu'on soit militaire, mais pas forcément. D'ailleurs, il y a aussi des civils qui s'engagent dans cette vie de combattant nomade. Et c'est une nébuleuse assez complexe. C'est-à-dire qu'au sortir des guerres napoléoniennes, vous avez en effet beaucoup de soldats démobilisés pour qui la guerre est devenue un métier et donc qui cherchent aussi un moyen de survie. Ce sont souvent des soldats sans le sou. Oui, mais en 1898, on est loin. Là, c'est plus le cas. Ah, mais parce qu'il y a des gens comme ça, voilà, mais qui sont parfois à la limite entre le mercenariat et le volontariat, hein, qui peuvent avoir des idéaux politiques, mais qui néanmoins ont besoin de de se nourrir. Je pense notamment à l'amiral Cochrane qui a combattu en Amérique latine et qui est venu en Grèce et qui est un peu, parfois, enfin, un peu un homme frontière. Et il y a aussi des civils, hein, et notamment cette jeunesse romantique dont je parlais, ou plus tard, voilà, d'autres civils qui s'engagent pour des idéaux politiques très forts, ou libéraux au début, puis républicains, puis plus tard socialistes. Hein, et vous trouvez aussi des figures comme celle de Churchill. Je pensais à l'instant, parce que Churchill s'est engagé dans la guerre d'indépendance cubaine en 1895. Pourquoi du côté espagnol, pas tellement par idéal conviction. Politique, mais simplement parce que lui cherchait un baptême du feu. Il le dit d'ailleurs aussi clairement que ça. Il a failli d'ailleurs mourir à une balle qui lui est passée tout près. Hein, mais ouais, on trouve des profils extrêmement différents. Voilà. Clément Thibault. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Je pense néanmoins qu'une forme de militantisme politique marque au moins l'espace atlantique. Et au sortir des guerres napoléoniennes, justement avec le congrès de Vienne et la Restauration, en Europe, voilà, il y a une production d'exilés assez importante. Comme Garibaldi, par exemple. Mm-hmm. Hein, c'est Garibaldi. Oui, il aurait pu y avoir au cœur de cette émission, effectivement, Garibaldi Brésil, et le Garibaldi. Peut-être que cette proscription aussi, ces combattants nomades, de fait, se politisent en étant dans ces réseaux, dans ces environnements d'engagement. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Jeanne Moisan. Oui, effectivement, on voit la même chose se dérouler au cœur de la guerre cubaine. J'ai même repéré des gens qui venaient des communes françaises se retrouver. Des communes de la commune de Paris, par exemple, vous voulez dire? Oui, enfin, il y a notamment un volontaire un communard qui est connu parce que il se réfugie d'abord en Espagne, il s'engage dans l'armée espagnole à Cuba. Et il passe du côté des insurgés et il a une activité politique importante au milieu des insurgés. Donc, mais je voulais aussi dire qu'à côté de ces volontaires, l'essentiel de l'armée espagnole est quand même faite de conscrits qui sont forcés à partir, mais qui envisagent aussi le départ vers Cuba comme une voie de migration. C'est-à-dire qu'on voit qu'il reste beaucoup, pour beaucoup d'entre eux, à Cuba, en utilisant la guerre comme une espèce d'opportunité de migration. Merci beaucoup Jeanne Moisan, Hervé Mazurel et vous Clément Thibault. Vous êtes tous les trois auteurs dans l'histoire du monde au 19e siècle chez Fayard. Cette émission était préparée par Aurélie Marsay, Francesca Fossati. Les textes étaient lus par Daniel Königsberg. Jean Frédérix était à la technique et Anne Fleury à la réalisation.